touche le trône. Écrasé l'ennemi, on est sorti de la faune. Il est venu monter la joie, qui pesait sur nous. Je fumais dans la zone, je fumais dans la zone. Aujourd'hui c'est le temps de saisir son trône. Écrasé l'ennemi, on est sorti de la faune. Il est venu monter la joie, qui pesait sur nous. Je fumais dans la zone, je fumais dans la zone.